Donc, vous écoutez à nouveau En Profondeur sur CKUT 90.3 FM. Il est maintenant 5h17. Donc, rebonjour Mademoiselle L'Espérance. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Logement Plateau Montréal et vous êtes là pour nous parler de vos actions. Oui. Donc, tout d'abord, samedi prochain, cette semaine, vous fêtez vos 40 ans d'existence. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et vous organisez une promenade samedi pour fêter ses 40 ans. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer en quoi ça consiste, comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, on se réunit à 12h45 à la fontaine du Carré Saint-Louis et nous avons l'immense chance d'avoir un membre fondateur du comité logement qui est aussi un historien de l'histoire populaire de Montréal qui se nomme Bernard Vallée. Donc, il va nous faire parcourir le quartier Saint-Louis et nous raconter l'histoire des luttes pour le droit au logement des derniers 40 ans. Il y a 40 ans, le comité logement est né. Il s'appelait à l'époque le comité logement Saint-Louis. Il couvrait une partie beaucoup plus restreinte de ce qu'est aujourd'hui le plateau Mont-Royal. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'action menée par le collectif et expliquer aux gens qui ne le connaîtraient pas comment ça fonctionne et comment vous aidez les gens? Oui, on est un organisme communautaire de défense des droits des locataires. Donc, notre mission, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie des résidents, résidentes du plateau Mont-Royal. Et ça passe par l'amélioration des conditions de logement, étant donné que c'est un besoin fondamental. Et c'est comme la pierre angulaire là, dans les conditions de vie avec l'alimentation. Et le travail. Donc voilà, ce qu'on fait concrètement au quotidien, on va aider les locataires qui ont des problèmes de logement. Donc on les reçoit à notre local et on va leur donner de l'information sur leurs droits, leurs recours. On va un peu les accompagner dans les démarches, les guider. Et on va aussi travailler à tout l'autre aspect de notre travail qui est plus politique, qui vise à transformer la société, en fait, améliorer les droits des locataires demandant un plus grand contrôle du marché privé. Mmh. Par exemple, on revendique un contrôle universel obligatoire des loyers. On lutte contre l'insalubrité des logements. Et on travaille aussi beaucoup pour le développement de logements sociaux dans le quartier, parce qu'on considère que le logement social, c'est vraiment une alternative qui permet qui apporte une solution durable et concrète aux problèmes de logement que les locataires peuvent vivre. C'est vrai qu'on assiste beaucoup dans beaucoup de villes, Montréal n'est pas du tout exempté de ça, ce phénomène qu'on appelle la gentrification. Mm-hmm. Et comment vous luttez contre ce phénomène-là qui a tendance à pousser les catégories les plus populaires dehors? Ah ben c'est une lutte qui est de longue haleine et qui est pas toujours facile à mener. Ce qu'on va faire, on est d'abord un lieu d'entraide et de regroupement des locataires qui se retrouvent un peu victimes de la gentrification, ou disons du mauvais côté de la gentrification. Donc, ils font face à des évictions, des reprises de logement, des augmentations de loyers abusives. Le quartier se transforme aussi d'une manière... il y a beaucoup d'espaces qui sont privatisés, qui sont vendus en condos, par exemple. Le développement immobilier dans le quartier, ça va vraiment dans le sens de la privatisation, de la condoification. Donc, nous, ce qu'on va faire, on regroupe les locataires, puis on se donne une voix. Donc, on va faire des pressions auprès des élus municipaux, provinciaux. On va parler dans les médias, on va dénoncer des injustices. Et du coup, ça vous arrive jamais de traiter directement avec certains propriétaires qui auraient des comportements répétés sur des locataires? Non, pas du tout. ça nous est déjà arrivé de dénoncer certains propriétaires délinquants. Oui, oui. On va le faire toujours avec les locataires qui vivent la situation et on va se nommer, oui, le comité logement va se porter à la défense là, de locataires qui sont victimes de propriétaires particulièrement véreux ou multirécidivistes. Parce que c'est vrai que le droit sur le logement est très peu encadré ici au Canada. Il n'y a pas forcément beaucoup de lois restrictives qui protègent les locataires. Quand vous tentez d'influencer le politique, quelles sont, disons, vos principales revendications pour aider les locataires dans leur loyer courant? Oui, ben je vous dirais que on revendique un contrôle universel et obligatoire des loyers partout au Québec. Là, on parle parce que dans le fond, le droit du logement s'applique au Québec seulement. Oui, bien sûr. Au Canada, c'est autre chose. Ce qui n'est pas en vigueur en ce moment-là, c'est-à-dire qu'il existe des mécanismes, mais la majorité des loyers là sont assujettis à aucun contrôle en fait. Donc ça pourrait permettre là vraiment de maintenir les gens dans leur logement, de freiner l'augmentation des loyers. On lutte aussi contre la conversion des logements en condos pour meilleur droit au maintien dans les lieux des locataires, donc contre les évictions ou les reprises de logements qui sont arbitraires. C'est ça, parallèlement à ça, on revendique le développement de logements sociaux parce qu'il n'y a vraiment pas assez de logements sociaux pour répondre accessible aux besoins. Là. Ouais. Du coup, il y a un autre événement dont vous êtes partenaire et donc vous faites partie ce mois-ci et donc vous voulez peut-être nous parler, c'est la manifestation du 21 mai et l'ouverture du camp pour le droit au logement organisé par Frappru, qui est un groupe souvent invité sur CKUT. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, ben en fait, nous, on est membre du Frappru. Le Frappru regroupe des comités logement, des associations de locataires partout au Québec. On s'en va... On démarre un camp le 21 mai c'est pour revendiquer d'abord que la ville de Montréal se dote d'une réserve foncière. On revendique aussi un investissement massif de la part du gouvernement du Québec dans le logement social. Donc on parle de 50, il faudrait construire 50 000 logements sociaux dans les 5 prochaines années. Puis ça, c'est vraiment juste pour répondre aux besoins les plus criants. Là, on parle de gens qui mettent plus du tiers de leurs revenus dans leur loyer, qui ont de la difficulté à rester dans leur logement. Et ce qu'on constate en ce moment-là, c'est que le gouvernement libéral, ses mesures d'austérité ne vont pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, là, on a coupé de moitié le programme Accès Logis, qui est le seul programme qui investit dans le développement de logements sociaux au Québec. Donc clairement, il faut aussi le dire pour nos auditeurs, vous sentez que les mesures d'austérité affectent directement votre travail et sont un frein pour les classes moyennes à l'accès à la propriété. Au logement. Au logement plutôt, fait. Absolument. Oui. Déjà que l'aide au développement de logements sociaux était nettement insuffisant, le gouvernement vient non seulement de diminuer de moitié les logements sociaux qu'ils vont mettre en chantier dans la prochaine année, mais en plus, on assiste à la privatisation de l'aide au logement, c'est-à-dire que des subventions qui, autrefois, allaient à la construction de logements sociaux neufs, là, vont aller dans les poches de propriétaires privés. Et ça nous inquiète énormément parce qu'on n'a pas l'impression que ces propriétaires-là vont... enrichir les propriétaires privés qui souvent ont un intérêt à ne pas maintenir leur logement en bon état. Donc, on va rappeler, pour finir, on va rappeler les événements. Donc, samedi, c'est la marche. Oui. Le rendez-vous, c'est à la place Saint-Louis. À la Fontaine du Carré Saint-Louis. À la Fontaine du Carré Saint-Louis. À 12h45 pour la marche. Et ensuite, on se rend tranquillement au lieu de la fête qui commence à 15h et qui va avoir lieu au Jardin des Sœurs Hospitalières de l'Hôtel Dieu, qui est un autre lieu qui est en voie d'être privatisé. Là, donc, c'est un gros enjeu de lutte. C'est un hôpital historique. C'est un bien public, vraiment, qui n'a pas de prix. Et là, il va fermer et on travaille fort pour que ça reste dans le domaine collectif et public. Et le 21 mai, du coup, c'est le camp pour le droit au logement avec Frappru. Oui. Et voilà. Et donc, je vais vous laisser pour finir donner les coordonnées du collectif pour tous les gens qui pourraient être intéressés par le collectif et donc votre moyen pour être contacté pour les gens. Oui, vous pouvez passer nous voir. On est au 4450 Saint-Hubert. C'est juste à côté du métro Mont-Royal, au troisième étage, local 328. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 514-527-3495. Voilà, merci beaucoup, Mademoiselle L'Espérance, pour votre participation à cette émission.